Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'usine de souliers de Wonsan qui normalise au niveau élevé la production. Il a été accompagné de Cho Yong-won, chef adjoint de département du Comité Central du Parti du Travail de Corée. En serrant tendrement les mains des cadres de l'usine qu'il connaît bien, il a dit que les ouvriers de l'usine ont fait beaucoup d'efforts pour atteindre jusqu'à la fin d'août l'objectif de la campagne de 200 jours avec la même vigueur qu'ils ont manifesté pendant la campagne de 70 jours en dépassant le plan de l'économie nationale annuelle pour ainsi saluer le 7e congrès du parti et apprécier eux qui soutiennent pratiquement l'intention du parti qui a fait aménager l'usine en exemple et standard des usines de souliers de notre pays. Le camarade Kim Jong-un a tout d'abord visité la salle historique. Il a dit que depuis le jour où le général Kim Jong-il a inspecté l'usine de souliers de Wonsan avec la volonté de fournir à notre peuple les meilleurs souliers du monde, cette entreprise, autrefois petite, est devenue usine moderne d'une grande capacité que l'on peut vanter dans le monde, un centre de production de souliers renommé dans tout le pays. Satisfait de l'usine qui aménageait bien la salle historique et organise efficacement l'éducation sous différentes formes et méthodes pour que le personnel ressente l'amour du général pour le peuple, il a déclaré avec insistance que le personnel doit porter ses produits au niveau mondial avec la fierté de travailler à l'endroit honoré de la visite du général pour appliquer à fond ses recommandations. Dans différents endroits de l'usine, y compris l'équipe d'injection, les ateliers de cordonnerie et de cambrage et la salle de dessin, le camarade Kim Jong-un s'est renseigné en détail sur la production et la qualité des produits. En regardant les ouvriers de l'équipe d'injection qui accélèrent la production des semelles par l'innovation collective, il les a complimentés pour avoir bien entretenu les équipements visant le plein fonctionnement des machines et pour avoir livré le mouvement d'innovation technique de masse afin d'accomplir la tâche de la campagne de 200 jours avant les autres dans le cadre de l'usine. À l'atelier de cordonnerie, il a observé le processus de production des souliers à la chaîne constitué entre autres du vulcanisateur sous vide et de la presse des semelles. Informé du fait que l'on a installé des lampes infrarouges à la chaîne, comme il a indiqué lors de sa visite de l'usine l'année dernière, pour consommer moins d'électricité et augmenter la résistance d'adhésion à 2,5 fois, il a montré sa joie en disant que ce fait simple permet d'améliorer la qualité des produits. À l'atelier de cambrage, il a apprécié l'habileté, le niveau technique et professionnel des membres de l'équipe de taille et des couseuses, conscients de la responsabilité du premier procédé dans la fabrication de souliers. Dans la salle de dessin, il s'est exprimé très content des techniciens et des membres du groupe de promotion des Trois Révolutions qui ont persévéré dans les études pour ainsi adopter la technologie de pointe dans l'élaboration du dessin, mettre au point l'appareil moderne de mesure des pieds nécessaire au service basé sur la commande des souliers et élaborer les dessins de formes de souliers des centaines d'espèces pour la production. En regardant avec un large sourire des souliers de différentes formes fabriqués par l'usine pour hommes, femmes et enfants, il a dit d'un ton heureux que le nombre des espèces a accru, que la forme de souliers est plus jolie et qu'il est vraiment content de l'abondance des souliers. Le camarade Kim Jong-un a fait remarquer que l'usine s'est efforcée d'appliquer l'orientation du parti en matière de fabrication des souliers légers et solides de différentes espèces, formes et couleurs, et que les souliers ont en conséquence des formes variées et qui sont élégants et légers. Il s'est exprimé très satisfait du fait que l'on peut réaliser le vœu du président Kim Il-sung et du général qui voulait offrir le meilleur au peuple et lui assurer une vie aisée. En affirmant que notre peuple, qui a une grande fierté nationale, est très attaché aux siens, il a insisté pour que tous les secteurs et toutes les unités d'activité produisent les articles au niveau mondial, en assurant la meilleure qualité et de façon variée, pour qu'ils jouissent d'une bonne réputation de la population et amènent le peuple à avoir la fierté nationale pour considérer comme le meilleur ce qui nous appartient et à éprouver profondément la supériorité et la puissance de notre socialisme. Le camarade Kim Jong-un a avancé les tâches posées devant l'usine. fabriquer davantage de meilleurs souliers pour 4 saisons, conformes au goût, à l'esthétique, à la constitution et aux particularités de mentalité et d'âge du peuple, automatiser et transformer en chaîne à un niveau supérieur tous les procédés de production et éliminer tout le travail manuel, améliorer constamment le niveau technique et professionnel du personnel et intensifier la vulgarisation des connaissances scientifiques et techniques de façon à adopter la nouvelle technique avancée dans la production, élaborer des dessins de souliers à une belle forme conformément à la demande de l'époque et au goût national, et réaliser l'orientation du parti en matière de nationalisation pour la fourniture des matières premières et matériaux, y compris des articles de production complémentaires. Le camarade Kim Jong-un a dit qu'il peut bien savoir que le personnel s'efforce pour l'assainissement du cadre de production et de vie, comme l'exige l'État socialiste civilisé, et apprécier haut l'attachement à l'usine du personnel qui entretient avec soin l'intérieur et l'extérieur de l'usine. Le camarade Kim Jong-un a affirmé qu'il est venu sans prévenir en passant devant l'usine et que la normalisation de la production lui a fait une grande joie. Il a exprimé la certitude que l'usine, objet de l'intérêt profond du parti, continuera à innover et à progresser à l'allure de Malima.